J'ai dû t'observer des heures, réussir à fixer ton image pour me la rappeler durant tes absences. Et dès lors que tu t'en vas, je vais gaspiller mon temps à essayer d'oublier. Je me suis souvent surpris à des tendresses légères sur des créatures concentrées à essayer de ne pas s'en foutre. Et dès lors que tu mens, que tu t'y adonnes sans talent, je ne peux m'empêcher d'être triste. Perdu, ne pouvons-nous pas passer des moments heureux?